Un premier amour par Jacques Arago. Je ne suis pas de ceux qui n'étudient que la superficie des hommes et qui croient avoir bien traduit une pensée quand ils ne l'ont envisagée que sous un seul point de vue. Il faut avoir tourné autour de la statue pour la bien comprendre, et qui ne l'a vue qu'en profil est inhabile à juger de son mérite. C'est aussi une faute très grave, signalée par les vrais philosophes et les historiens sincères, que d'apprécier les causes par les faits accomplis. Le hasard joue un si grand rôle dans les révolutions humaines que la chute ou l'élévation des empires se décide le plus souvent par l'action du levier le plus obscur et le plus dédaigné. La main d'un enfant fait partir une bombe, une feuille de rose intercepte les rayons du soleil. Nul ne peut savoir ce qui serait à la place d'une chose si cette chose n'existait pas. Et j'y ris très souvent de la naïveté d'un brave homme qui me dit en voyant passer une charmante fille « Voilà une charmante créature dont j'ai failli être le père. » « Comment cela ?»« C'est que j'ai dû épouser sa maman. » La raison de tout n'a été donnée par personne, parce que nul ne possède toutes les sciences. Je dis plus, le philosophe a un million de fois plus à apprendre qu'il n'a réellement appris. Et les mondes seront usés par le frottement des siècles, que le plus grand génie des temps à venir pourra s'écrier comme Montaigne, que sais-je. J'aime les préambules, même alors qu'ils m'entraînent loin de mon sujet. J'espère qu'on ne m'en voudra pas des lignes qui précèdent, car je ne demande que ce que j'accorde. Les idées se chassent vite du cerveau d'un aveugle qui n'a là, devant lui, rien pour le distraire, rien qui soit capable de l'attacher aux choses sensibles de la vie. La vie de l'aveugle est intime, tout en dedans. Pardonnez-lui donc sa métaphysique exceptionnelle, et s'il y a erreur, faites-vous aveugle pour la condamner. Venons maintenant à la petite historiette que j'ai promise. La France respirait à peine, serrée au flanc et à la tête par 14 armées avides d'arrêter l'élan de la liberté qui avait fait bondir les enfants de la Grande République. Une flotte anglaise s'était emparée de Toulon, fière de son arsenal, de son port fermé, de sa rade ouverte, de sa citadelle La Malgue, où se pavanait le léopard britannique. Mais la lutte n'était pas si acharnée, si incessante autour de la ville, qu'il n'y eut de temps à autre quelques jours de repos et de calme pour les officiers chargés d'en achever le blocus. Le lieutenant d'artillerie Bonaparte, comme chacun sait, faisait partie des régiments appelés là pour la défense du territoire envahi. Et dans les moments de loisir que lui permettaient les chances de la guerre, il s'éloignait parfois de la ville et se rendait à pied dans une bastide isolée, protégé par une riche plantation d'oliviers et quelques vignobles serpentant au rein d'une rapide colline. À 20 pas de la maisonnette murmurait un ruisseau limpide que la sécheresse des saisons tarissait souvent, et la colonie alors, pour ne pas souffrir de la soif, envoyait une sermente à la ville avec une petite carriole qui rapportait l'approvisionnement d'eau. Un jour, encouragées l'une par l'autre, la demoiselle de la maison, Rosalie Bertin et sa servante, sans retourner vers la brune et se trouver alors engagée loin des remparts de la ville, deux hommes s'élancent sur elle et leur adressent des propos outrageants. Elle prie, elle pleure, elle demande grâce, mais les coquins se rient de leurs larmes et de leurs supplications. Ils saisissaient déjà d'un bras vigoureux les deux jeunes filles éplorées, quand le fougueux lieutenant bondit et se précipite au milieu de la scène, l'épée à la main. « Misérable ! » s'écria-t-il d'une voix menaçante. « Cessez vos injures ou je vous passe mon épée au travers du corps. »« Crois-tu donc que nous ayons peur de ta flamberge ? Essayez de résister et vous verrez si ce que vous appelez ma flamberge fouille bien les entrailles des scélérats. »« Connais-tu seulement celle que tu veux protéger ? Qu'importe, c'est ma femme. Tu mens, car c'est ma sœur. » Bonaparte allait frapper, mais par un mouvement rapide, Rosalie Bertin se trouva à portée du bras terrible et arrêta le cou en s'écriant « Grâce, mon frère !» « Il paraît que c'est en effet sa sœur, » dit l'un des coupe-charret. « Retirons-nous. »« Au revoir, camarade, » dit l'autre. « L'avenir, nous prendrons mieux nos précautions. » »« Et tu sauras alors qui nous sommes. »« Ne répondez pas, monsieur, » dit la jeune fille d'une voix suppliante. « Votre générosité vous sera peut-être fatale. »« Oh, rassurez-vous, mademoiselle, il est telle circonstance où l'on se sent la force de lutter contre une armée. »« Merci mille fois, monsieur, du service que nous venons de recevoir de vous. » Mais si vous voulez le rendre plus grand encore, venez, je vous prie, jusqu'à ma maison peu éloignée d'ici, afin que vous puissiez entendre les paroles de bénédiction d'une mère. J'allais vous demander cette faveur, répondit le lieutenant en présentant son bras à Rosalie et en se plaçant près de la tremblante domestique pour les protéger toutes deux. On ne se dit presque rien durant la route, mais les cœurs et les têtes allaient bon train. Ce n'était pas seulement du présent qu'il était question dans les rêves dorés des jeunes gens, mais encore de l'avenir, d'un avenir de bonheur et d'ivresse. On aime tant à s'appuyer sur le bras qui vient de vous sauver la vie et peut-être l'honneur. On aime tant à sentir battre sous sa main un cœur qu'on vient de rassurer. Et la brise rafraîchissante du soir se jouait au milieu des piétons qui cheminaient à pas rapides et qui pourtant n'avaient guère hâte d'arriver. L'air était pur et limpide, les étoiles scintillaient au ciel comme d'heureux présages, et dans le lointain bruissait le roulement des vagues que la pénétrante marinade poussait sur la côte pelée. Il fallut pourtant faire halte à la Bastide. Là, une mère inquiète se tenait debout à la porte. Elle jeta un cri d'amour en apercevant sa fille bien-aimée. Un jeune officier lui donnait le bras, mais telle était la confiance de Madame Bertin en sa Rosalie, que nulle pensée injurieuse pour son enfant ne vint traverser sa joie. « Merci, » fit-elle d'une voix heureuse à l'étranger. « Merci d'avoir servi d'escorte à mon enfant. Remercie-le mieux que cela, » dit Rosalie à sa mère. « Nous avons été attaqués sur la route par deux brigands et monsieur nous a bravement arrachés de leurs mains. Alors que le bon Dieu le bénisse, qu'il écarte de lui les boulets et les balles et le fasse un jour colonel. » « J'ai plus d'ambition que cela, » répliqua Bonaparte avec un orgueil mal déguisé. « Je n'ai pas envie de m'arrêter au milieu de la route. » « Pour arriver jusqu'à ce grade, » dit d'une voix timide la charmante Rosalie, « il faut déjà courir tant de dangers. »« Eh bien, ôtez le danger, vous ôtez la gloire. » »« On a de par le monde une amie, une sœur peut-être. »« Une mère aussi, » poursuivit le lieutenant avec fierté. « Une mère, des frères. » Qui sait le destin que le ciel nous réserve à tous? Êtes-vous de Toulon, monsieur? Je suis corse. On dit les Corses bien méchants. Vous venez de voir une exception, madame. Êtes-vous riche? Fort peu. Vous voyez que je vous réponds avec franchise. Pardon, monsieur, dit Rosalie. Maman est indiscrète et ce n'est pas seulement par curiosité que j'adresse ces questions à monsieur. Si nous pouvons lui être utiles aussi. Oh, vous seriez bien bon d'accepter. S'écria étourdiment la naïve jeune fille. « À mon tour, merci, mes bonnes dames. Mais puisque vous me mettez à mon aise, j'avoue que j'ai un service à vous demander. »« Il est accordé d'avance, » dit la mère avec empressement. « Permettez-moi de revenir souvent vous rendre mes hommages. Nous vous en aurions prié, monsieur. »« C'est de mademoiselle aussi que j'attends une réponse. »« Viendrez-vous souvent ?» dit tout bas Rosalie en baissant les yeux. « Une fois par semaine. » « Vous n'avez donc qu'un jour de liberté ?» Et le front de Rosalie était devenu pourpre. « Je puis disposer de 3 jours, mais je crains que mon indiscrétion... »« Allons, allons, ma fille et moi nous vous attendons, et quand vous nous ferez défaut, nous croirons que vous êtes blessée, ou que vous ne vous plaisez pas avec nous, et alors nous serons tristes. Je viendrai. »« D'abord, vous nous restez cette nuit. Impossible, je n'ai prévenu aucun de mes camarades, on serait inquiet dans ma compagnie. » Et si les coquins vous attendent, n'ai-je pas mon épée? Tenez, prenez encore ce pistolet. Volontiers. Je vous le rapporterai après-demain. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Après-demain, ma sœur. Après-demain, mon frère. Quel noble cœur, dit Rosalie avec un soupir. Le jeune officier d'artillerie, qui jusque-là n'avait pas trouvé assez de temps pour ses lectures favorites, vit s'écouler les jours avec une rapidité plus grande encore. Les commentaires de César furent délaissés, lui-même chez lui un peu de tiédeur pour les opérations stratégiques qui lui étaient confiées, et peu s'en fallut qu'il n'encourût la disgrâce de ses chefs. Quant à ses camarades, dont il avait été jusque-là le modèle, ils raillèrent sur ses fréquentes absences, sur la passion pastorale qui l'amaigrissait, lui, déjà si fluet, si diaphane, et ils trouvaient que son teint olivâtre prenait une couleur de souffrance capable de faire peur aux ennemis. Mais lui, Bonaparte, n'en continuait pas moins ses courses presque quotidiennes chez Madame Bertin. Chaque jour, son attachement pour Rosalie devenait plus pur, plus fervent, et il aurait voulu que le siège de Toulon n'approchât point de sa fin. C'est que le cœur était en jeu, C'est qu'un premier amour a une puissance à laquelle nul autre ne peut résister. C'est qu'aussi cet amour violent était partagé par Rosalie. C'est qu'un bonheur paisible s'offrait au lieutenant, dans un avenir peu éloigné, et que le présent n'est jamais qu'un accessoire pour les esprits rétrécis ou les âmes sans ambition. Bonaparte nous en a fait la confidence dans quelques lignes apportées de Sainte-Hélène et gardées par ses pieux amis. Il aimait Rosalie jusqu'à lui sacrifier ses rêves d'orgueil et de gloire. Il songeait à sa Corse, si pittoresque, si sauvage, si indépendante. Il se bâtissait une petite maison à Ajaccio, avec un kiosque pour ses lectures, un petit jardin pour ses loisirs, le bruit des flots pour ses méditations, un enfant pour ses délices, et les caresses de sa femme pour les émotions de son cœur. Là se bornaient ses vœux, là était sa vie tout entière. Le destin en avait autrement ordonné, et la volonté du ciel devait s'accomplir. Le puissant météore était sorti de l'abîme pour usurper l'espace. Les peuples se courbaient déjà sous ses éclairs. La terre tremblait sous les pas du colosse, et plus tard, là-bas, sur un sol volcanique, au sein d'un océan courroucé, devait s'éteindre une dernière agonie et s'éclipser la plus brillante étoile du firmament. Le lieutenant d'artillerie, voyant le siège de Toulon approcher de son dénouement, se décida à hâter aussi la conclusion de l'union qu'il avait projetée. Il était un jour assis entre Rosalie et sa mère, caressant celle-ci de la main, celle-là du cœur, et jouissant d'avance du bonheur qu'il allait donner à toutes les deux. « Vous êtes bien ému, lieutenant ?» dit Madame Berthe avec un sourire de bienveillance. « C'est que je suis habitué à vous voir, à vous aimer, et que je crains maintenant que l'une de ces deux jouissances ne m'échappe. Expliquez-vous. Je le ferai avec franchise. » Cela est donc bien solennel, monsieur, dit vivement Madame Bertin, qui, prévoyant la question, avait depuis quelques jours préparé sa réponse. C'est l'acte le plus solennel de ma vie, madame. Nous vous écoutons, ou si vous l'aimez mieux, je vous écouterai seul. Mademoiselle Rosalie est dans mon secret, elle peut rester. La jeune fille était tremblante comme la feuille à chaque question de sa mère, et le lieutenant d'artillerie, façonné depuis longtemps à refouler en lui-même les sentiments de son âme, gardait sur sa physionomie un caractère de gravité austère qui semblait le poser comme étranger aux émotions d'une scène dans laquelle, pourtant, il jouait le principal rôle. Son œil d'aigle plongeait, si j'ose ainsi m'exprimer, dans les paroles de Madame Bertin, et en torturait non seulement le sens naturel, mais il cherchait encore à en deviner l'intention cachée. Il était là, lui, comme il se montra toujours dans l'avenir, calme et noble avant l'action, mais bouillant et terrible au premier choc. Aussi, coupant court au chemin de traverse de Madame Bertin, qui ne voulait arriver au but que par des sinuosités, il dit avec une tranquillité qui n'était que sur ses lèvres, « Madame, j'aime votre fille, j'ai mon état pour fortune, voulez-vous de moi pour gendre ?»« Monsieur, je vous répondrai demain. » La jeune fille frémit. Bonaparte se trouva debout. Ces paroles sont une réponse suffisante. Je suis venu vous voir pour la dernière fois, mademoiselle, dit-il ensuite avec une voix douce où se peignait pourtant un sentiment de dignité blessée. Recevez mes adieux, ils sont éternels. Je vous aime, Rosalie. Dieu ne veut pas que votre bonheur me soit confié. Oubliez-moi, et que votre vie se déroule heureuse devant vous. La pauvre enfant cachait ses larmes. Et à peine eut-elle la force de présenter sa main à Bonaparte, qui déposa un respectueux baiser et disparut. Toulon fut repris aux Anglais, les Alpes franchies, l'Italie soumise, l'Égypte labourée. Puis vinrent de nouveaux combats, de nouvelles conquêtes, puis le consulat et ses triomphes, puis l'Empire et ses gloires, puis les trahisons et les lâchetés, puis enfin les envahissements de l'Europe coalisée, puis l'île d'Elbe baissée aux espérances qui ne tardèrent pas à se réaliser. Le fer et le bronze n'avaient pas achevé leur terrible rôle. Trop d'orgueil enflait les capitales tant de fois humiliées. Trop d'hypocrisie restait à châtier. Trop de vengeance devait être exercée. Un beau jour, une voile blanche se dessine à l'horizon. Elle grandit, elle se développe et marche. Elle vole, poussée par un souffle oriental. Elle déploie à l'air ses trois couleurs immortelles. Et de la côte attentive, des cris d'amour se joignent à la turbulence des flots. Le drapeau blanc se cache honteux et descend des clochers et des cathédrales. L'encre tombe dans une triste rade. Des soldats basanés s'élancent d'un pied intrépide. Un homme touche le sol de la patrie d'où il avait été exilé. Vive l'empereur! Et les échos répètent au loin, vive l'empereur! La redoutable armée de 300 hommes marche vers la capitale. Les portes des cités s'ouvrent et les populations se ruent sur le passage des soldats. L'avalanche héroïque grossit à vue d'œil. Ce n'est plus un flot, c'est une mer. Ce n'est plus une secousse, c'est un tremblement universel. Ce n'est plus un Corse, ce n'est plus un homme qui vient reprendre son poste, c'est un empereur qui remonte sur son trône. Enfin de l'attendre là-bas, dans sa capitale, et déjà, les préparatifs du départ sont achevés. Ainsi se font les conquêtes du génie, ainsi la foudre envahit l'espace. Napoléon Bonaparte venait d'entrer à Lyon, où le bruit d'un million de voix humaines, se mêlant au bruit du bronze, avait annoncé la veille l'entrée du vainqueur. Et lui, de la demeure qui lui avait été préparée, envoyait des ordres immuables vers Paris, qui ne se décidait pas encore. Qu'on me laisse maintenant quelques instants de repos, dit-il à ceux qui l'entouraient, dès que la nuit fut venue. Sire, une dame demande à vous être présentée. Une dame, faites entrer. Jeune encore et belle, Madame de Fextor s'avance d'un pas timide et, se tenant debout devant Napoléon, qui venait de se lever, me reconnaissez-vous, sire? Ciel, vous ici, Rosalie. Moi-même, sire, Madame de Fextor. Et votre mari? Je suis veuve. Et votre vie? Aussi heureuse qu'elle a pu l'être après votre départ. Asseyez-vous et parlez-moi de vous, mon ami. Pourquoi donc n'avoir point pensé à moi au jour de ma grandeur? Sire, parce que vous étiez grand, je vous craignais, et je n'avais point caché à mon mari ma passion pour vous. Nous quittâmes la Provence et nous nous rendîmes à Genève où je l'ai perdue. Appelé à Lyon, pour de tristes histoires de famille, j'ai pris aujourd'hui mon courage à deux mains. Et j'osais venir dire à mon généreux lieutenant d'artillerie que toutes mes prières avaient été pour son bonheur et sa gloire. Le ciel ne vous a pas toujours exaucé, mon enfant. Ah, c'est qu'il a reconnu qu'il y avait de l'égoïsme dans mes vœux. Que dites-vous, Rosalie? S'écria l'empereur avec un mouvement qu'il ne put maîtriser. Que Paris vous attend? Dit Madame de Fextor avec un ton de dignité solennelle. Y viendrez-vous, Rosalie? Poursuivit l'empereur d'une voix câline. J'irai, sire, car je ne vous crains qu'à demi. Je n'ai donc plus ma puissance d'autrefois. J'irai, sire. Si vous êtes malheureux, j'irai. Car le malheur n'a jamais trop d'amis. Au revoir. Au revoir, Rosalie. Voyez pourtant, ajouta l'empereur, en la prenant par la main et en la reconduisant. Je n'étais pas assez riche à Toulon. Et si votre mère l'eût voulu, vous seriez aujourd'hui impératrice. Et demain peut-être je serai la veuve inconsolable du plus grand capitaine du monde. Oh non. Je ne vois plus dans l'avenir qu'une gloire au-dessus de toutes les gloires. Et moi j'y vois, sire, des trahisons odieuses, de perfides lâchetés, des désastres, la mort, l'exil avec ses tortures. Il y a des destinées qui doivent s'accomplir, le cœur les devine. C'était Un premier amour, par Jacques Arago.